elle te fait défaut. La référence à l'axe. Les mots te maudissent, faut rester relax. La maisie est totale, pas de parallaxe. Juste l'intuition d'une déviation de l'axe. La machine s'est détraquée, tu as perdu l'axe. C'est pour ça que tu tombes, tu es désaxé. C'est pour ça que tu tombes, tu es désaxé. Tu ne fais plus de rond, tu n'es plus axé. Sur le principe, la société très furaxe t'a analysé, rassuré, t'a tout relaxé. T'as pris la tangente et elle t'a tout taxé. Ça t'est bien égal ce qu'elle t'a peiné. L'axe, désaxé va chuter. L'ancêtre furaxe frotte son échine, son esprit. Quelques idées pour submerger ou relaxer. Être corrompu de par ce mal axé sur l'envie et l'intérêt, bien loin de l'axe, son esprit doit malaxer.